ni Belle, ni Vigira. Benoît Mourichonzi et François Kimana, le duo qui assure la mise en onde. Bienvenue à ce journal de la soirée dont voici tout d'abord les principales articulations. Des initiatives sont en train d'être menées pour tenter le rapprochement du Burundi avec le Rwanda. Le ministre des Relations extérieures qui l'affirme indique également que le Burundi est prêt à participer. Pour parler inter-burundais qui soutiennent à l'extérieur du pays, vous l'entendrez dans cette édition. Une justice accessible à tous, c'est l'une des perspectives prioritaires prévues dans le plan national de développement qui va régir le Burundi jusqu'en 2027. Officiellement lancé ce mercredi sur les 8 derniers axes d'orientation du dit plan, un accent sera mis sur la coopération régionale, sous-régionale et internationale. Et 5 commerçants de l'huile de palme du quartier Kanyami en province Ngozi sont sous le verrou depuis ce jeudi pour n'être pas entrés au nouveau marché de Viegua se trouvant en commune Mumba. Vous aurez les détails avec notre correspondant Apollinaire Muzagara. Et à la fin de cette édition, vous aurez droit à la chronique environnement. Aujourd'hui, on reviendra sur l'eucalyptus, un arbre important dans la vie courante qui ne devrait pas être planté n'importe où. Vous aurez des précisions de l'environnementaliste Frédéric Wangilinama. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. 9 personnes qui disent ne pas reconnaître la direction nationale du parti UPD Zigamibanga ont été arrêtées vers la mi-journée de ce jeudi au chef-lieu de la province de Makamba. La police les accuse de tenir une réunion illégale alors que des informations ont circulé l'après-midi de ce jeudi qu'elles ont été remises au parquet de Makamba pour interrogatoire. Des sources proches de ce parquet indiquent que ces personnes sont dans les mains du service national de renseignement à Makamba qui les aurait transférées à Bujumbura le matin de ce vendredi. Et le procès de flagrance contre 2 cadres de la direction du cadastre national qui était prévu ce vendredi en audience publique devant la Cour anticorruption n'a pas été entendu au fond. La raison est que les 2 accusés n'avaient pas encore eu d'assistance judiciaire. Ces derniers sont accusés d'avoir demandé la corruption à un justiciable. Les juges de la Cour anticorruption ont décidé de reporter l'audience publique pour samedi tout en leur exigeant de venir avec leurs avocats. Pas mal d'initiatives pour tenter de relancer les relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda ont déjà été menées. À propos du ministre des Relations extérieures, à l'issue d'une réunion avec les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales accréditées à Bujumbura, à propos de la poursuite du dialogue d'Arusha, Ezekiel Nivigira a annoncé que le gouvernement a déjà décidé qu'il répondra présent dans le 5e round de ce dialogue. Il ajoute qu'après cette session, il ne restera que les préparatifs pour les élections 2020. Oban Niyonguru pour plus de détails. Nous nous préparons pour participer au 5e. Pour le ministre des Relations extérieures, le gouvernement a résolu qu'il va participer au prochain round du dialogue d'Arusha. Selon Ezekiel Nivigira, le gouvernement espère que ce sera une dernière session. Comme nous devons clôturer ces activités, le Burundi a jugé bon de participer à ce 5e round. Et voilà, nous nous préparons pour cette activité. Et je pensais que le reste, les Burundais se prépareront à la préparation des élections de 2015. Je sais que tout le monde est déjà préparé. Nous avons une feuille de route pour les élections. Il faudra que les partis politiques prennent avantage de ce document et comme ça se préparent pour que on puisse avoir des élections qui réussissent en 2020. Sur la question des relations diplomatiques avec certains pays comme le Rwanda et la Belgique, Ezekiel Nivigira a souligné que la situation évolue. Ce problème qui existe entre le Burundi et le Rwanda et le Burundi et la Belgique, je considère ces problèmes comme une maladie qui vient très vite, mais qui doit guérir. Si la situation sécuritaire est bien assainie, si nous avons la paix dans le pays, je pense que toutes ces autres questions vont trouver une réponse petit à petit. Au cours de cette réunion, le représentant de l'Union africaine a réaffirmé le soutien de cette organisation quant aux initiatives allant dans le sens de la recherche de la paix. Merci Oban. Yonghure Page Transport, la compagnie aérienne Air Tanzania reprend ses vols sur Bujumbura suspendus depuis 2014. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile indique que cette compagnie va réorganiser et va faire 3 vols par semaine, ce qui va apporter une valeur ajoutée à l'économie du pays. Emmanuel Abunimana affirme également la diminution des vols de la compagnie Kenya Airways, mais pour des raisons internes. La compagnie aérienne Air Tanzanie va reprendre ses vols sur Bujumbura. Cette compagnie effectuait ses vols et elle avait arrêté en 2014 pour des raisons internes. Elle s'est réorganisée. À partir de ce 30 août 2018, cette compagnie reprend ses vols sur Bujumbura et elle va effectuer 3 vols par semaine. La compagnie tanzanienne reprend ses vols sur Bujumbura au moment où la compagnie Kenya Airways a diminué ses vols. Quelles sont les raisons qui sont derrière tout cela? Effectivement, la compagnie Kenya Airways a diminué ses vols sur Bujumbura. Elle n'effectue qu'un vol par jour alors qu'elle en effectuait 3 ou 4. Les raisons sont internes, très internes à la compagnie aérienne elle-même. Il n'y a pas de raison particulière qui proviendrait du Burundi. La perte est là au niveau de la desserte de l'aéroport de Bujumbura. Elle est aussi économique parce que les recettes, surtout en devises, vont diminuer, qui entraient via l'aéroport international de Bujumbura. Et page économie, le plan national de développement qui va régir le Burundi projette promouvoir une justice accessible à tous jusqu'en 2027. Parmi d'autres priorités figurent l'éradication de la corruption à tous les niveaux, le développement et la coopération et le partenariat sous-régional, régional et international. Cela ressort du contenu des 8 derniers grands axes d'orientation de ce plan, le point avec Placide Niamonger. Selon ce document de plan national de développement, ces 8 derniers grands axes d'orientation semblent subdivisés en 3 grandes thématiques. Les axes 9, 10 et 11 vont revenir sur ce qui est prévu dans la protection de l'environnement et au changement climatique. Ce plan national prévoit que jusqu'en 2027, les terres dégradées vont être réhabilitées, les marais aménagés et les rivières protégées. Parmi les grandes priorités retracées par ce plan national de développement en eau et assainissement, on préconise la protection et la gestion intégrée de la zone étampo des lacs et des rivières au niveau national. Même si ce plan s'étend sur 10 ans, pendant 15 ans, le Burundi compte reboiser 160 000 hectares selon l'axe numéro 11. De son côté, Axe 12 compte apporter des améliorations au niveau de l'aménagement du territoire. Et parmi les actions à mener, figure une réalisation d'une cartographie du territoire national. Une autre partie de ces 8 derniers axes compte s'occuper de la gouvernance axée sur la souveraineté nationale. De son côté, le 13e axe de ce plan national de développement compte consolider l'état de droit et des droits humains au Burundi et la promotion d'une justice accessible à tous, sans oublier l'éradication de la corruption sous toutes leurs formes et à tous les niveaux. D'autre part, le 14e axe compte, via ce plan national de développement, permettre au Burundi de garantir la sécurité, l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale, sans oublier la sécurisation de la population et des biens. Et en dernier lieu, c'est la 3e partie qui semble être axée sur les mécanismes efficaces et efficients de la mobilisation des ressources et du développement de la coopération. Selon ce plan national de développement, le Burundi compte jusqu'en 2027, avoir développé la coopération et le partenariat sous-régional et international. Dans nos éditions ultérieures, on reviendra sur le cadre institutionnel de coordination de la mise en œuvre et mécanismes de suivi et évaluation de ce plan national jusqu'en 2027. Merci, Placide Niamongere. Après une courte pause, on va passer à la page commerce. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 5 commerçants d'huile de palme, dont 3 hommes et 2 femmes du quartier Kanyamé en province Ngozi, sont depuis hier au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Ils sont accusés de sabotage au nouveau marché de Viegwa, commune Mumba, qui doit abriter tous les grossistes d'huile de palme du chef-lieu de la province Ngozi. D'Ngozi, Apollinaire Monzagar. Ces commerçants détenus sont Joseph Nkurunziza, Artemon Duwayezu, Innocent Manirambona, Jacqueline Bizimana ainsi que Consolat Niragir. Lors de leur arrestation, 450 kg d'huile de palme se trouvant dans des bidons de 20 litres ont été également saisis. Ils étaient dans leur boutique de ce quartier Kanyam. L'administrateur de la commune Ngozi les accuse d'avoir commis le refus d'ordre sur une décision du gouverneur de cette province, décision obligeant tous les grossistes de cette denrée du chef-lieu de la province Ngozi à rejoindre le nouveau marché de Viegwa en commune Mwumb. Bon nombre de ces grossistes se lamentent comme quoi la clientèle a tari dans ce marché comparativement à la période où ils étaient au chef-lieu de Ngozi. Et cela, selon eux, à cause d'un long trajet qu'on doit effectuer. Ces commerçants détenus rejettent ce refus dont ils sont accusés, arguant qu'ils n'ont pas créé un autre marché non reconnu, du moment qu'ils travaillent dans leur boutique comme les autres qui vendent d'autres produits en Ngozi. L'administrateur Songambele Rajabu indique qu'une amende administrative leur sera infligée et les met en garde s'ils font la même chose. Vous saurez que ce marché de Viegwa est à environ 2 km de distance à vol d'oiseau de part et d'autre du palais présidentiel de Bouye en commune Mumba et du chef-lieu de la province Ngozi. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Monzagara. Parlons agriculture à présent. Les recherches scientifiques sur la culture du haricot sont satisfaisantes au Burundi. Dans un atelier de restitution de haricots en diffusion au Burundi, Eric Ndouarougira, chercheur sur le haricot à Lisabou, dit que les semences sélectionnées n'arrivent pas à destination parce qu'il y a des services qui ne font pas correctement leur travail. Eric Ndouarougira demande qu'il y ait beaucoup de multiplicateurs de semences sélectionnées tant publiques que privées pour faciliter la tâche. L'état des lieux de la culture du haricot au Burundi et de la recherche sur le haricot au Burundi est vraiment satisfaisant. À voir l'évolution de la production depuis 1996 jusqu'en 2016, comment la tendance à partir des données que nous avons collectées à l'Istebou montre l'évolution positive. Nous avons vu qu'en 1996, le Burundi produisait aux environs de 290 000 tonnes. Mais actuellement, à travers ces données, nous avons constaté que le Burundi, en 2016, a atteint une production qui est à 590 000 tonnes par an, ce qui est un indicateur positif sur les résultats de la recherche que nous mettons à jour. Les graines actuellement ne sont pas satisfaisantes au marché. Cela est dû à quoi? Cela est dû parce qu'il y a quelque part où il y a quelque chose qui ne marchait pas. Là, nous constatons également que les services qui étaient chargés de vulgariser les technologies ici de la recherche ne le font pas correctement. Par exemple, il y a des ONG, il y a également des DPAI qui œuvrent dans le pays. Et ces directions de la provinciale, de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, comme ils n'ont pas de moyens pour atteindre toute la population, toutes les communes, pour vulgariser nos technologies, ça devient également un autre défi qui les empêche à vulgariser nos technologies. Et c'est pour cette raison que probablement au marché, nous ne trouvons pas les graines améliorées en suffisance. Nous espérons qu'avec cette réunion que nous avons tenue aujourd'hui, nous allons quand même arriver à aboutir à une étape qui va nous aider à produire beaucoup plus et avoir une production suffisante sur le marché, là où tout le monde va trouver des variétés, des graines à son choix. Parlons élevage à présent. La peste porcine africaine a déjà tué plus de 900 porcs dans les communes de Gitang et Giharo en province de Rutana depuis le mois de juillet dernier. Lors de sa descente à Rutana, ce mercredi, Serge Nkurunziza, directeur général de l'élevage au Burundi, appelle tous les éleveurs, surtout ceux de la région infectée, à rester sur leur garde et informer à temps l'équipe des pêchers à Rutana pour intervenir chaque fois qu'une bête est suspectée. De Rutana, Jean-Pierre Misako. En commune Giharo, 832 porcs sont déjà morts et en commune Gitanga, il s'agit de 69 bêtes. Et cela depuis juillet de cette année, selon les informations recueillies auprès de la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Rutana. Ce n'est qu'au cours de ce mois d'août que des examens ont révélé qu'il s'agit de la peste porcine africaine qui sévit dans cette région, a déclaré Serge Nkurunziza, directeur général de l'élevage, lors de son passage à Rutana ce mercredi, dans une réunion. Il a tenu avec les administratifs, les forces de l'ordre et les vétérinaires communaux de Rutana il a été décidé que la circulation des porcs est stoppée et la consommation de la viande momentanément suspendue dans cette province. De plus, Serge Nkurunziza informe qu'une équipe du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage est déjà à pied d'œuvre à Lukana pour désinfecter les zones déjà atteintes. Il appelle tous les éleveurs de porcs et surtout ceux des provinces frontalières avec Lukana de rester sur les gardes et avertir à temps chaque fois qu'ils constatent des taches rougeâtres sur les corps des porcs qui affichent une température élevée et un manque d'appétit. Et l'équipe déjà présente en province de Lukana interviendrait dans l'immédiat pour aider à stopper la propagation de cette maladie. Jean-Pierre Misago de Lukana, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Certains habitants du chef-lieu de la commune de Gihanga s'insurgent contre un couvre-feu de 20h et une amende variant entre 20 et 30 000 francs burundais infligée à ceux qui sont attrapés au-delà de 20h. Cette mesure a été prise par l'administrateur communal de Gihanga en fin de semaine dernière. Ces habitants ont soulevé ces inquiétudes ce jeudi lors d'une réunion dont l'ordre du jour était centré sur le développement, mais qui a changé en une réunion de sécurité. Parlons sport avant de passer à la chronique. L'équipe nationale de karaté Inhambamuru Gamba a décroché ce vendredi la première place et a raflé 14 médailles d'or dans le tournoi des équipes nationales des pays de la communauté est-africaine qui se déroule dans les villes de Bujumbura et de Gitega. C'est après avoir battu les sélections kenyanes et tanzaniennes qui ont participé dans ce tournoi. Evariste Ndikobanyangam a suivi de près ce tournoi. Le retentissement de l'hymne national du Burundi, 14 fois répétitif, c'est le synonyme de 14 médailles d'or qu'a décroché la sélection burundaise de karaté après avoir battu le Kenya et la Tanzanie. Après le décernement des médailles d'or au karatéka burundais, c'était de la joie du côté des Inhambamuru Gamba. Franck Niyubahwe est l'un des karatéka burundais. J'éprouve un sentiment de joie parce que, par exemple, dans ces Jeux de l'EAC, dans la catégorie du karaté, on a pu remporter toutes les médailles d'or dans toutes les catégories. Ça, c'est vraiment une chose très, très bien. Les joueurs de l'équipe burundaise de karaté remercient les coachs et la présidence de la Fédération de karaté pour les avoir accompagnés pendant les préparatifs. Ils ont cependant l'ambition d'aller compétir au-delà de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est nous qui sommes sur le tatami, donc sur le terrain. C'est nous qui faisons le combat. Mais sans eux, on ne pourra pas y arriver. Au karaté, lorsque tu joues, tu ne peux pas savoir là où tu fais des erreurs. Alors, c'est le coach, c'est tous ces gens qui sont dans la fédération qui viennent nous aider pendant les entraînements. Nous remercions énormément nos coachs, nos dirigeants de la fédération. Oui, nous leur disons vraiment merci. Côté fédération du karaté au Burundi, gagner toutes ces médailles, c'est un signe que le Burundi marque un pas dans le concert des nations. Christophe Nkurunziza est le président de la Fédération burundaise de karaté. C'est une grande fierté et un honneur pour notre chère patrie, notre pays, le Burundi. C'est un honneur pour notre fédération que nous dirigeons depuis l'année passée 2017. Et c'est un honneur pour tous les karatékas et tous les amis de karaté. Même aussi pour vous les journalistes, vous avez aujourd'hui à médiatiser. Donc nous sommes vraiment très honorés d'avoir entendu tant de fois l'hymne national du Burundi. Donc nous sommes fiers. C'est dans les jeux comme le karaté et tennis sur 8 jeux qui a vu la participation des pays de l'AAC que le Burundi se taille la part du lion par rapport au Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda qui participent à ce tournoi. Radio Isanganiro, chronique environnement. La chronique environnement de ce vendredi est une rediffusion. On revient sur l'eucalyptus, un arbre présent partout presque au Burundi comme dans d'autres pays dans le monde. Il est de grande valeur pour des activités au quotidien, même en médecine. L'environnementaliste écologique Frédéric Wangirinama indique pourtant que l'eucalyptus n'est pas à planter n'importe où puisqu'il est l'un des facteurs de dégradation du sol. Des précisions dans cette chronique environnement avec Léonce Vitaliou. L'eucalyptus est une plante qui pousse vite et produit vite. Les gens l'utilisent notamment comme bois de chauffage, pour les planches, dans la construction des maisons, les poteaux pour l'électricité. L'expert environnementaliste Frédéric Wangirinama ajoute même qu'il est utilisé comme médicament. Vous vous souviendrez que dans le Burundi traditionnel, on pouvait utiliser les feuilles d'eucalyptus pour soulager les maux de tête, les rhumes, les sinusites, et ainsi de suite. La médecine moderne a pu fabriquer fabriquer même des médicaments à base d'un composé chimique qui est dans les cavités, ce qu'on appelle le captol. Et actuellement, ces médicaments sont vendus. On peut l'utiliser également en confiserie. Et ça peut, on peut fabriquer des gommes à partir de l'écorce. Cet enseignant d'université fait savoir que l'eucalyptus a toujours été apprécié de par son utilité, mais appelle les populations à ne pas le planter n'importe où. C'est un facteur de dégradation pour le sol. C'est un arbre acidifiant du sol. Si on peut le voir simplement, si les feuilles d'eucalyptus tombent, vous allez trouver que la dégradation n'est pas pour demain. Ça va passer du temps et du temps. Également, l'eucalyptus peut produire des acides qui dégradent le sol. Et cet acide également peut diminuer la flore bactérienne, peut diminuer la quantité des micro-organismes qui étaient dans le sol et qui assuraient la formation des matières organiques. Vous comprenez donc que ça constitue un danger. L'expert Frédéric Bangirina m'a renseigné également que l'eucalyptus est gourmand. Allusion faite ici à sa consommation en eau. Il peut aller jusqu'à consommer 70 litres d'eau en un jour. Un jeune eucalyptus peut consommer 53 à 70 litres d'eau, 4 bidons par jour en 24 heures. C'est énorme. Si on devrait faire un calcul de tous les pieds d'eucalyptus que nous avons au Burundi, par exemple 200 millions d'eucalyptus, on trouverait qu'on utiliserait 16 millions de mètres cubes d'eau. C'est énorme. L'eucalyptus n'est pas à mettre dans des champs de culture vivrière. Il assèche le sol. Il faut planter cet arbre dans les endroits dégradés, sur les pentes. Là où, comme c'est une espèce qui est capable d'utiliser une grande quantité de l'eau, elle est capable alors d'envoyer les racines dans la nappe phréatique, et même si c'est sur une pente, elle va survivre. Mais par contre, il faut éviter l'eucalyptus dans les marais. Dans les marais, la nappe phréatique, elle est à un niveau très bas. Elle va prendre toute la quantité de l'eau. Et si vous plantez un boisement d'eucalyptus dans les marais, d'ici 10 ans, vous allez trouver que la surface va s'assécher. L'eucalyptus est une plante de grande valeur. Il protège par ailleurs le sol, les pentes notamment, mais il faut le planter en dehors de la terre arable, selon l'expert Bangirina Ma, pour que cette dernière garde sa saveur. Merci Léon, c'est Vitalio et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana et Benoît Mholichonzi pour la mise en onde. Lini Ben Nibigira, je vous l'ai présenté. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée à tous. Au revoir.